Mechta Grigoriou, qui est directrice de recherche INSERM, chef de l'équipe stress et cancer à l'Institut Curie et directrice du scientifique du cancer au Pôle de France, et Jean-Yves Pirga, qui est oncologue, chef du département d'oncologie médicale de l'Institut Curie et professeur à l'Université de Paris. Un mot pour commencer, l'un et l'autre, est-ce que vous confirmez aujourd'hui que la principale cause de mortalité due au cancer est justement liée à la présence de métastases, Fatima Mechta Grigoriou? Alors effectivement, si la survie des cancers s'est améliorée ces dernières années grâce au dépistage, au diagnostic précoce, aux innovations thérapeutiques, la survie des patients reste très liée au type de cancer d'une part et à sa capacité à disséminer d'autre part. Et les décès par cancer sont d'une 9 fois sur 10 au développement des métastases à partir des cellules cancéreuses de la tumeur initiale, ce qui démontre l'importance du sujet que vous abordez aujourd'hui, effectivement. Jean-Yves Pirga? Oui, tout à fait. Et c'est quelque chose qui va se développer plus ou moins rapidement dans l'évolution d'un cancer et menacer donc le pronostic vital à plus ou moins long terme. Ça peut parfois être très rapide dans le développement d'un cancer, comme ça peut survenir parfois très tardivement après même le traitement initial de la maladie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on annonce à un patient que son cancer est en phase métastatique, le pronostic vital est engagé. Ça veut dire que d'un seul coup, l'avenir est plus obscur peut-être, Fatima Mechta Grigoriou. Alors après, il faut effectivement savoir dire qu'effectivement, un cancer métastatique est plus risqué, le pronostic vital est forcément plus délicat par rapport à un cancer non métastatique et qu'on considère comme in situ. Néanmoins, il y a des stratégies thérapeutiques qui sont adaptées et si on peut détruire la tumeur primaire par un geste chirurgical local, bien entendu, dès qu'il y a un diagnostic de dissémination, on doit adapter et ce traitement local n'est plus adapté et donc on adapte également ce traitement par une chimiothérapie, une radiothérapie, voire une hormonothérapie dans les cas de cancers qui peuvent être hormonodépendants comme les cancers du sein et les cancers de la prostate par exemple. Donc il y a une adaptation du traitement à la prise en charge du patient, bien entendu. Depuis quand a-t-on identifié, Jean-Yves Pirga, ces cellules circulantes en fait? À partir de quel moment on comprend la mécanique métastatique dans l'histoire contemporaine de la médecine? Alors, il y a un chercheur australien qui avait déjà décrit ça en regardant dans le sang, même à la fin du 19e siècle, où il avait vu beaucoup de cellules au microscope dans le sang d'un patient. Donc, c'était les premières descriptions. Mais c'est effectivement quelque chose qu'on a plus caractérisé plus récemment grâce aux progrès technologiques qui nous permettent de les capturer et de les étudier. Donc, c'était quelque chose qu'on pressentait en termes de mécanisme, le fait que une partie du cancer, de la tumeur primitive, puisse aller se déplacer et aller ailleurs. Donc ça, c'était quelque chose que on avait déjà qu'on pressentait en termes de concept, et ce qu'on appelle la théorie de la graine et du sol, qui avait déjà été énoncée par un chercheur anglais de la fin du 19e. Quelle est-elle cette théorie? Pardon? Quelle est-elle cette théorie de la graine et du sol? Vous pouvez nous l'expliquer? Alors c'était une explication qui était avancée par un chirurgien anglais de la fin du 19e, qui était Stephen Paget, et qui avait observé justement cette dissémination des métastases, en ayant fait beaucoup d'autopsies de patients qui étaient décédés de cancer. Et il avait retracé un petit peu ce qu'il avait observé en disant que les cellules qui disséminaient, c'est qui allait donner les métastases, étaient comme des graines que l'on semait dans l'organisme et qui allaient pouvoir se développer à un endroit ou à un autre en fonction d'un terreau, d'un soil qui soit favorable à ce développement. Et effectivement, on sait qu'en fonction des types de cancers, les métastases vont plutôt se développer dans tel ou tel organe, plutôt dans les os pour tel type de cancer ou plutôt au niveau des poumons pour tel autre type de cancer. Fatima Mechta Grigoriou. Oui, je voulais rebondir sur c'est exactement ce que vient de dire Jean-Yves, parce que je crois qu'il y a un point qui est extrêmement important sur cette théorie, qui date d'il y a plus d'un siècle et qui a totalement été vérifiée par les observations les plus récentes, qui consistait vraiment à dire qu'il y a effectivement dans le développement métastatique un aspect, en fait, qui est un aspect de dialogue entre différents entre différents types cellulaires. Et on le voit très bien dans cette théorie, parce que cette théorie indique que pour qu'une cellule tumorale puisse accéder à un organe secondaire, et on sait qu'il peut être spécifique soit de l'os, soit du poumon, soit du foie, etc., il doit y avoir une espèce de compatibilité entre les cellules tumorales qui arrivent et les cellules de l'organe secondaire qui est atteint. Mmh. Et je pense que c'est une notion qui est extrêmement importante à faire passer, que le processus métastatique est un processus plurifactoriel qui se base non seulement sur plusieurs étapes, mais également qui implique différents types cellulaires. Et je pense que ça, c'est vraiment deux notions sur lesquelles il va falloir peut-être que l'on insiste un petit peu et que l'on explique aux auditeurs. On va expliquer ça immédiatement dans les minutes qui viennent. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc tout au long de cette heure des processus métastatiques, comment un cancer qui au départ est localisé va finir par se diffuser dans l'organisme et s'attaquer à d'autres organes. Mais peut-être pour commencer par le début, Jean-Yves Pierga, on peut rappeler ce que c'est qu'un cancer, la cancérogénèse. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, une cellule commence à se comporter bizarrement? Alors, dans ce processus, c'est effectivement à un moment, il y a une cellule qui se met à échapper aux mécanismes de régulation entre les cellules elles-mêmes qui constituent un organe. Il y a ce qu'on appelle, il y a plusieurs mécanismes qui ont été décrits, mais par exemple ce qu'on appelle la perte d'inhibition de contact, c'est-à-dire qu'une cellule va plus tenir compte des messages donnés par les autres et se mettre à proliférer et à tout coloniser, toute la place qu'on lui laisse va être occupée par ces cellules qui se mettent à proliférer de façon indéfinie, quasi éternel si on leur fournit les nutriments nécessaires pour pouvoir assurer leur développement. Et il y a différentes étapes qui ont été décrites justement dans ce processus d'oncogénèse qui vont contribuer juste à ce développement, à la fois la création de nouveaux vaisseaux qui vont l'alimenter, le fait que ça échappe à des mécanismes de surveillance immunologique, et puis le fait qu'il y ait une espèce d'activation en permanence du message de prolifération au niveau de la cellule, ce qu'on appelle ces accélérateurs qu'on appelle les oncogènes, ces gènes qui vont être altérés, mutés, et qui vont amener cette cellule à se proliférer de façon quasi indéfinie, ou la perte justement d'autres freins qui l'empêchent de proliférer, ce qu'on appelle les anti-oncogènes, et ces freins-là aussi ne fonctionne plus et n'empêche plus cette cellule de proliférer de façon indéfinie. Deux questions à ce propos, Fatima Mechta-Grigoriou. Est-ce qu'on sait déjà, ou est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui provoque cette bascule d'un fonctionnement d'une cellule saine avec des apoptoses régulières à cette mécanique oncogène qui fait que son développement devient incontrôlé et surtout interminable? Et aussi, par ailleurs, on peut aussi dire que des cellules qui commencent, qui rentrent dans ces processus oncogènes, on en développe, nous, chacun, tout le temps, mais dans la plupart d'entre elles, l'écrasante majorité sont maîtrisées par le système immunitaire. Alors, tout à fait, exactement. Ça, vous avez tout à fait raison. En plus, effectivement, de cette activation d'oncogène ou de cette inactivation de suppresseurs de tumeurs que vient de mentionner Jean-Yves, qui sont des processus absolument essentiels dans le développement oncogénique, parmi, en fait, la majorité des cellules que l'on produit tous les jours, qui sont des cellules qui peuvent effectivement porter ces mutations, en fait, on en élimine énormément, et heureusement d'ailleurs, grâce à notre système immunitaire. Et dans une tumeur, il y a en fait beaucoup de types cellulaires, outre les cellules tumorales qui sont porteuses des altérations génétiques, il existe également d'autres types cellulaires, des cellules normales, qui sont dépourvues d'activité, d'altérations génétiques, mais qui participent directement au développement tumoral. Et pour qu'une tumeur puisse se développer, comme vous le dites, elle doit échapper au système immunitaire de défense de l'organisme qui normalement les élimine, mais malheureusement, de temps en temps, certaines cellules tumorales parviennent à échapper à notre système immunitaire et du coup, en fait, ça favorise le développement tumoral. Mmh. Mais outre ces cellules immunitaires, il y a d'autres types cellulaires et on connaît maintenant ces autres types cellulaires qui participent directement au processus tumoral et métastatique que sont les vaisseaux sanguins, par exemple, ou que sont les fibroblastes, qui sont des cellules de soutien qui participent directement à la propagation métastatique. Et alors les fibroblastes, justement, quel est leur rôle et comment participent-ils à cette propagation, à ce développement tumoral, Fatima Mechta-Grégoriou? Alors, ils participent à différents niveaux, en fait, les fibroblastes dans la propagation métastatique et dans le développement tumoral. C'est quoi déjà un fibroblaste, en fait? Comment on le décrit? C'est une cellule qu'on peut appeler une cellule mésenchymateuse qui, en fait, est une cellule de soutien de l'organisme. Elle assure le soutien. Il y en a à peu près, il y en a partout dans le corps et ça assure vraiment le tissu de soutien de l'organisme. Ça sécrète des collagènes, donc ça permet vraiment un tissu de soutien. Et dans une tumeur, en fait, une tumeur, on peut la voir comme étant dont la cohésion est assurée notamment par ces fibroblastes. Et lorsque il y a des mutations génétiques de certaines cellules, donc épithéliales tumorales, on va avoir une modification de ces fibroblastes qui vont en fait agir à différents niveaux. Non seulement certains d'entre eux inhibent le fonctionnement des cellules immunitaires, donc participe directement au phénomène d'échappement des cellules tumorales au système immunitaire, et elle participe également à la propagation métastatique en favorisant en fait une part, et je pense qu'on va y revenir ensuite, elle participe directement aux modifications des cellules tumorales en augmentant leur capacité à migrer, et elle participe également en agissant sur la matrice et en générant une espèce d'espace qui permet encore mieux à la cellule tumorale d'échapper à la tumeur primaire. Peut-être ces fibroblastes, en fait, ils sont. Est-ce qu'on explique justement cette assistance active justement au développement de la cellule tumorale? Est-ce qu'ils sont en quelque sorte, on pourrait dire, reprogrammés ou en tout cas déviés de leur fonction habituelle par la cellule tumorale elle-même, Jean-Yves Pierguin? Ça, je laisserai peut-être plutôt Fatima répondre à cette question, parce que je pense que c'est vraiment elle qui... Alors, Fatima Mechta-Grégoriou. Oui, tout à fait, effectivement. Les fibroblastes sont vraiment des cellules qui sont modifiées par certaines sécrétions des cellules tumorales et qui vont directement agir sur l'identité du fibroblaste. C'est-à-dire qu'une cellule qui va normalement en fait être une cellule tout à fait anodine, participant à la vie de l'organisme, en fait, par exemple, ce sont des cellules qui participent aussi à la réparation des tissus. Quand vous avez une blessure, en fait, sur la main, par exemple, quand vous avez une blessure, et ben, ces cellules fibroblastiques assurent la réparation du tissu. Et ben, c'est exactement la même chose que ce qui se passe, en fait, dans une tumeur. Sauf que cette réparation du tissu qui intervient et qui revient à la normale dans un système de réparation d'un tissu normal, et ben dans une tumeur, il reste de façon perpétuelle en état actif. Donc c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a une reprogrammation permanente par les cellules tumorales de ces fibroblastes qui les détournent à leur actif en favorisant leur prolifération et leur propagation métastatique. Tout ne part tout le temps que d'une seule cellule, Jean-Yves Pierga? Ou est-ce que c'est un groupe de cellules qui, d'un seul coup, vont se mettre à dysfonctionner de façon conjointe? Alors, au départ, ça peut être au départ une seule cellule, un seul clone, hein, et c'est ça qui va proliférer. Et puis, après, il peut y avoir acquisition, justement, différences entre ces cellules, et donc avoir quelque chose, une maladie qui va être éventuellement polyclonale, avec différentes particularités de ces cellules. Et ça va être particulièrement important à la fois sur leur capacité à se développer, à disséminer, et puis surtout sur un aspect thérapeutique, expliquer le fait que les traitements peuvent marcher sur une partie de la tumeur, permettre une rémission, mais pas forcément éradiquer la totalité de la tumeur et l'ensemble des cellules, surtout lorsque les choses sont disséminées. Donc effectivement, c'est ce caractère éventuellement hétérogène et polyclonal qui est plutôt quelque chose qui va s'acquérir au cours du développement, qui va être là justement un des obstacles souvent à la réussite sur le plan thérapeutique pour éradiquer l'ensemble des cellules. Mais initialement, oui, ça peut être une seule cellule dans laquelle ce processus va être initié. Et on parle bien, parce que là on parle de tumeurs cancéreuses, mais on peut aussi rappeler qu'il n'y a pas que des tumeurs cancéreuses, qu'il y a des tumeurs qui peuvent être non cancéreuses et tout à fait bénignes. Et que quelle est d'ailleurs la différence? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une tumeur bénigne va se compliquer et va prendre d'abord un aspect cancéreux, puis métastatique, Jean-Yves Pierguin? Alors, souvent, effectivement, une tumeur bénigne, par définition, c'est quelque chose qui ne va pas aller... on va dire agresser les tissus environnants. Elle va les repousser, ne pas être envahissante, et donc c'est quelque chose qui va être relativement limité et également limité dans sa prolifération et dans sa croissance. Et puis surtout, quelque chose qui est bénin dans l'immense majorité des cas, mais il y a quelques exceptions très particulières, ne va pas avoir cette capacité justement à disséminer, à donner justement des métastases. Et puis après, quelque chose qui est au départ bénin, puisse devenir malin, se transformer, ça va être justement au sein de cette prolifération qui au départ est maîtrisée, l'acquisition de nouveaux événements de mutation au niveau de l'ADN de ces cellules. Il y a différents événements qui peuvent survenir tout au long de ce processus justement d'oncogénèse, et il y a des modèles qui ont été décrit comme par exemple par Monsieur Wolgenstein, par exemple, pour l'oncogénèse de ce qui va devenir un cancer du côlon, entre un petit polype, quelque chose qui est tout à fait bénin et qui va progressivement se transformer pour arriver à quelque chose qui va devenir au départ ce qu'on appelle non-invasif mais malin, une tumeur dite in situ, et puis qui progressivement va devenir envahissante et puis aboutir à justement cette dissémination dans les vaisseaux. Et il y a une espèce de chronologie dans les différentes mutations, altérations qui peuvent survenir. Donc on a parlé justement de certains oncogènes qui vont être activés, et puis également perte d'anti-oncogènes au cours de ce développement et qui vont aboutir à cette prolifération anarchique. Alors justement, à partir de quel moment on parle de métastase? Qu'est-ce que c'est exactement finalement, Fatima Mechta-Grigoriou, qu'une métastase? Une métastase, c'est vraiment un cancer primaire qui réussit en fait à atteindre un tissu distal. Et donc pour ça, c'est vraiment un processus complexe qui va impliquer différentes étapes. D'une part, la cellule tumorale du cancer primitif doit tout d'abord se séparer de son tissu d'origine. Donc par une diminution des protéines d'adhésion, une augmentation de certaines enzymes qu'on va appeler des métalloprotéases, qui vont lui permettre d'acquérir la capacité de dégrader le tissu environnant et la matrice environnante, et pouvoir ainsi franchir la paroi d'un vaisseau sanguin ou lymphatique, et donc pénétrer dans la circulation sanguine. Donc ça, c'est un mécanisme que l'on appelle l'intravasation. Puis quand la cellule tumorale est dans le vaisseau sanguin, elle doit aussi résister à la circulation et à son flot. Et ça, ça paraît peut-être un petit peu étonnant, mais c'est un milieu hostile, en fait, la circulation sanguine. Donc la cellule tumorale a également acquis des capacités à résister à ce milieu hostile. Et ensuite, la cellule tumorale doit ressortir de la circulation sanguine pour rejoindre l'organe cible. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'extravasation. Et elle va rejoindre l'organe cible pour y proliférer et constituer ainsi une métastase, donc dans ce site distal. Donc c'est vraiment un processus multi-étapes, complexe, et finalement, heureusement quand même, relativement rare, puisqu'il y avait des études qui, dans certains modèles murins, avaient pu démontrer de mélanome, avaient été montrées que seulement 0,02% de cellules étaient capables de métastaser, ce qui, au regard des pronostics vitaux, est quand même... bénéfique pour l'être humain. C'est très intéressant, et je pense que c'est vraiment important de bien l'expliquer. Effectivement, la formation de métastases est un processus tellement très peu efficace, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'obstacles, comme vous venez de les décrire. On va peut-être d'ailleurs pouvoir préciser un peu quelles sont ces méthodes d'échappement, parce que on arrive et on part d'une tumeur in situ, donc d'une tumeur qu'on appelle solide, à finalement quelque chose qui n'a plus grand chose à voir avec la tumeur initiale, si j'ai bien compris, Jean-Yves Pierguin. Oui, et puis dans ce processus, effectivement, le fait qu'elle puisse passer dans cette circulation générale, c'est là où éventuellement on peut les détecter par certaines techniques, mais ce n'est pas parce qu'on va être capable de trouver des cellules qui qui ont survécu déjà dans la circulation sanguine, qu'elles vont être capables justement de donner ces métastases. On revenait à cette théorie de la graine et du sol, donc on peut avoir semé ces graines, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elles vont trouver le terreau favorable pour se développer. Et puis, dans tout ce processus que vient de décrire Fatima, il y a encore d'autres éléments aussi qui peuvent être bloquants dans le processus. Et par exemple, à la phase finale, une fois que les cellules sont entrées dans des tissus, donc elles ont eu ce processus d'extravasation, eh bien, il y a toute une incertitude sur leur capacité à finalement pouvoir survivre dans ce tissu. Ça peut s'arrêter là. Elles peuvent mourir dans le tissu où elles se sont implantées ou simplement ne pas se développer, ne pas proliférer et être dans un état de dormance qui peut durer parfois de très nombreuses années avant éventuellement de se développer ou ne jamais se développer. Peut-être qu'on peut préciser aussi, parce que là on a parlé de mode de propagation par le réseau sanguin, mais ça n'est pas le seul réseau qui peut accompagner la dissémination d'un cancer en voie de métastatisation. Fatima Mechta-Gregoriou, il y a d'autres réseaux qui peuvent être utilisés de proche en proche. Vous pouvez nous expliquer un peu les différentes voies justement? Alors, le réseau lymphatique est un réseau majeur en fait, qui est un réseau, on va dire, un peu parallèle au réseau de vaisseaux sanguins. C'est un réseau qui est extrêmement efficace pour la propagation métastatique. Et par exemple, dans les cas de cancer du sein, le réseau lymphatique peut être particulièrement important pour favoriser le développement des métastases, on va dire, proximales, notamment au niveau des ganglions axillaires et favoriser ainsi ensuite le développement de métastases qui vont être plus lointaines dans les tissus qui sont plus lointains comme l'os, le foie, les poumons, etc. Donc oui, il y a des réseaux multiples, la voie sanguine étant certainement celle que les gens connaissent le plus, mais la voie lymphatique étant également une voie de propagation métastatique très importante, effectivement. Oui, effectivement, en fonction des types de cancers, certains cancers, on sait, vont avoir une dissémination essentiellement par voie sanguine, et d'autres, de façon plutôt prédominante, par voie lymphatique, et puis d'autres types de cancers, ça va être quelque chose qui va être relativement mixte entre ces deux voies de propagation. Vous avez certaines tumeurs, ce qu'on appelle certains sarcomes de l'os, hein, des tumeurs osseuses, où ça va être essentiellement par voie sanguine. Le cancer du sein, lui, par exemple, va être relativement mixte. Ça va être la voie lymphatique prédominante, et vous pouvez avoir une dissémination par voie sanguine directe dans ce processus de métastase. Et on va comprendre également que tous les cancers ne métastasent pas de la même façon, que certains organes sont effectivement des cibles privilégiées de plusieurs métastases. Et puis on va aussi expliquer et comprendre comment est-ce qu'on peut lutter contre ces cancers qui sont disséminés partout dans l'organisme. Parce que même si c'est effectivement, comme on l'a dit, plus grave que les cancers in situ, il y a des techniques thérapeutiques et des techniques d'ailleurs très modernes avec des nouveaux outils qui ont des résultats relativement prometteurs dans un instant. We'll gather at the brokenness, breathe it to me now. The fragrance of those promises you never dared to vow. The splinters that you carry, the cross you left behind. Come healing of the body, come healing of the mind. And let the heavens hear it, the penitential hymn. Come healing of the spirit, come healing of the limb. Behold the gates of mercy in arbitrary space, and none of us deserving the cruelty or the grace. O solitude of longing, where love has been confined, come healing of the body, come healing of the mind. O see the darkness yielding, that tore the light apart, come healing of the reason. come healing of the heart. Oh, trouble dust concealing an undivided love. The heart beneath is teaching to the broken heart above. Let the heavens falter, let the earth proclaim, come healing of the altar, come healing of the name. Leonard Cohen, comme Healing sur France Culture à 16h35. Nous parlons tout au long de cette heure des procédés métastatiques, comment un cancer se transforme en métastase et comment lutter contre ces métastases. Nous allons évoquer tout cela dans cette deuxième partie d'émission, toujours en compagnie de Fatima Mechta Grigoriou, qui est directrice de recherche INSERM, chef de l'équipe stress et cancer à l'Institut Curie, et Jean-Yves Pierga, qui est oncologue, chef du département d'oncologie médicale de l'Institut Curie également. Peut-être pour reprendre cette là où nous avions laissé la conversation, tous les cancers peuvent métastaser, Fatima Mechta Grigoriou. Alors ça, je vais peut-être laisser plutôt Jean-Yves. Jean-Yves Pierga. Alors, c'est un peu comme souvent en médecine, c'est-à-dire que le toujours et le jamais, n'existe pas tout à fait. C'est-à-dire que oui, globalement, le fait de donner des métastases, c'est vraiment une des particularités du cancer. Mais effectivement, il y a quelques exceptions. Vous avez certaines formes de tumeurs cutanées très localisées, ce qu'on appelle des tumeurs basocellulaires qui ne donnent pas, ou de façon tout à fait exceptionnelle, des métastases, par exemple. Et puis, vous avez aussi des cancers qui vont effectivement peut-être donner des métastases, se disséminer, mais vont être relativement limités dans leur développement et pas très rarement aller en dehors de l'organe atteint, comme par exemple les tumeurs cérébrales, qui ont tendance à surtout se diffuser à l'intérieur du cerveau, du système nerveux, et beaucoup plus de façon beaucoup plus exceptionnelle d'aller ailleurs dans d'autres organes. Mmh. Mais c'est effectivement un phénomène qui est relativement général dans le processus de développement d'un cancer. Et en revanche, comme vous le disiez l'un et l'autre à demi-mot tout à l'heure, chaque cancer a une sorte de tropisme métastatique pour un organe. C'est-à-dire que on sait que, par exemple, les cancers du sein vont plutôt se disséminer soit dans le foie, soit dans les poumons, soit dans le cerveau, qui sont d'ailleurs les trois principaux organes qui finissent par devenir les hôtes de ces cancers secondaires. Jean-Yves Pierga. Alors, oui. Alors après, on a des statistiques, etc. Et par ordre de fréquence, en fait, le premier endroit où se dissémine le cancer du sein, c'est l'os, tout d'abord. Et puis après, ça va être effectivement foie, poumon, et le cerveau plus rarement. Mais en fonction même, maintenant, de nos connaissances biologiques, en fonction des sous-types de cancer, même à l'intérieur du cancer du sein, maintenant, on sait distinguer différents types de cancer du sein. Et là même, en fonction de ces sous-types de cancer du sein, certains vont avoir un tropisme plus vers le poumon que vers les os, plus vers le cerveau que vers des atteintes ganglionnaires. Donc on peut aussi avoir un espèce de profil moléculaire même des cancers où on sait qu'ils ont plus ou moins de risque d'aller dans tel ou tel type d'organe. Fatima Mechta Grigoriou. Oui, par rapport à cet aspect que Jean-Yves évoque, qui est extrêmement important. Donc, dans les cancers du sein, effectivement, il existe trois grands types, on va dire, de cancers du sein. Et certains, effectivement, comme le dit Jean-Yves, ont un tropisme métastatique de l'organisme qui va être différent en fonction des propriétés moléculaires de chaque type de cancer du sein. Et par exemple, dans le poumon, il y a des acquisitions. Donc, comme on disait tout à l'heure, il doit y avoir compatibilité entre les cellules tumorales et les cellules de l'organe qui sont cibles. Il existe maintenant, on sait en fait pourquoi une cellule de cancer du sein, par exemple, va avoir un tropisme particulier dans les poumons, parce qu'il va y avoir certaines cytokines ou chémokines qui vont être sécrétées par le poumon, qui vont donc attirer les cellules tumorales qui portent les récepteurs de ces chémokines. Donc il y a vraiment un jeu de dialogue entre les cellules cibles et les cellules tumorales. Donc bien sûr, la biologie de la cellule tumorale et la biologie de ce tissu cible sont extrêmement importantes pour assurer la nidation des cellules tumorales dans dans le tissu cible. On peut préciser que les cytokines et les chémokines, ce sont des protéines qui jouent le rôle de signaux de transmission et de dialogue entre les cellules. Elles peuvent être pro-inflammatoires, anti-inflammatoires. On en a beaucoup parlé avec la Covid, mais voilà, c'était juste pour repréciser ça pour nos auditrices et nos auditeurs. Peut-être, alors j'ai une question, ce sont mes fameuses questions de béotien que les auditrices et les auditeurs fidèles de la méthode scientifique commencent à y être habitués, mais je me disais finalement, parce qu'on a beaucoup parlé, et puis on en a reparlé ici, notamment il y a peu de temps quand on faisait une émission autour des virus et des stratégies virales de dissimulation et d'intégration du génome, etc. Je me demandais si c'est une question qui fait sens pour vous de se dire, finalement, dans la logique de dissémination qu'on pourrait attribuer à ces cellules tumorales et cancéreuses, qui donc vont chercher à se développer, à se reproduire de plus en plus et à s'implanter dans de nouveaux organes, in fine, puisque ça conduit à la mort de l'hôte, il n'y a pas quelque chose, une sorte de contresens évolutionniste dans cette pensée-là. Vous voyez ce que je veux dire, Fatima Mechta-Grigoriou? Alors là, c'est effectivement un peu compliqué. Le développement tumoral aboutit à une prolifération anarchique et à une destruction de l'organisme hôte. Ça c'est vrai. Après, sur le plan d'évolution de la tumeur, ce qu'elle souhaite, c'est étendre au maximum et envahir. Est-ce qu'elle parvient à faire. Mais je voulais revenir sur justement cette notion d'expansion, peut-être, qui va peut-être aussi répondre d'une autre façon à votre question. C'est la capacité en fait de la cellule tumorale à se cacher du système immunitaire, parce que justement elle dévie le système immunitaire de défense. Et ça, c'est particulièrement vrai dans les cellules tumorales métastatiques qui présentent en fait l'expression d'une molécule que peut-être maintenant les auditeurs connaissent bien, qui s'appelle PD-L1 et qui est maintenant exprimée en fait à la surface des cellules tumorales et qui empêche le système immunitaire de les reconnaître comme anormales et donc qui empêche le système immunitaire de les détruire. Et la raison pour laquelle en fait j'indique ça, c'est que bon, certainement on va revenir sur le traitement a posteriori, mais également pour faire écho à ce que disait Jean-Yves tout à l'heure sur ces notions de métastases qui peuvent être soit présentes et observées dès le diagnostic, soit en fait n'être visibles ou n'apparaître en fait comme étant visibles que des années plus tard. Et ça constitue donc des micro-métastases, des niches qui sont constituées de cellules qui échappent au système immunitaire et qui peuvent donc être là en adéquation avec la survie du patient. Pour revenir à votre question initiale de l'intérêt en fait de la tumeur de métastaser et finalement de tuer à terme le patient, il y a des cellules tumorales métastatiques qui donc échappent au système immunitaire mais restent en dormance et ce pendant plusieurs années. Cet état quiescent est compatible avec ce que vous disiez. À propos de la transformation justement donc des cancers en métastases, le rôle des polluants a souvent été mis en lumière hein, comme une sorte d'adjuvant ou d'accélérateur de cette transformation. Pour comprendre le lien qu'il peut y avoir entre des polluants organiques persistants et ces processus métastatiques, eh bien Céline Lozen est allée à la rencontre de Xavier Coumoul, qui est directeur de recherche au laboratoire toxicité environnementale, cible thérapeutique, signalisation cellulaire et biomarqueur de l'Université de Paris. C'est notre reportage du jour. On a posé l'hypothèse que ces polluants organiques persistants, dioxines, PCB, retardateurs de flamme, se stockaient dans le tissu adipeux et donc dans le tissu adipeux autour des tumeurs. Et de ce fait, on a posé l'hypothèse que cela changeait à la fois le comportement des cellules adipeuses autour des tumeurs qui se forment, mais aussi du coup directement de la tumeur. Donc on s'est posé la question si il y avait certains polluants organiques persistants stockés dans le tissu adipeux entourant les tumeurs qui influençaient l'agressivité de la tumeur. Nous avons donc travaillé avec des échantillons provenant de patientes atteintes de tumeurs du sein. Ces patientes ont été opérées, la tumeur a été prélevée chez ces patientes pour une analyse médicale et on a en parallèle prélevé un tout petit peu du tissu adipeux qui était juste autour de la tumeur. Ce tissu adipeux a été envoyé chez des collaborateurs, le Laberca, qui est un laboratoire national de référence, qui est capable d'analyser dans le gras la concentration d'un grand nombre de polluants organiques persistants. Typiquement, dans ce laboratoire, par exemple, on va faire tout ce qui va être manip de biologie moléculaire, de biologie cellulaire. On va récupérer des échantillons dans une salle de culture dans laquelle on peut pas aller là parce que, mais une fois que les cellules sont récupérées, que les échantillons sont respectés, on va faire des analyses avec des pipettes, vous voyez, des appareils de PCR, par exemple. Et si on devait établir un circuit entre le prélèvement de l'échantillon qui est effectué à l'hôpital. Oui. Et son analyse ici, ça prend combien de temps ? Alors, ce qui est très très long, c'est d'avoir les autorisations déjà à l'hôpital pour pouvoir prélever l'échantillon. Donc, lorsqu'il y a ce genre de processus, on obtenait en fait un échantillon par semaine. J'avais une étudiante en thèse qui amenait chaque semaine l'échantillon qu'on stockait dans un congélateur. Donc là, vous voyez, il y a des congélateurs qui sont des moins 20, mais on a aussi dans d'autres pièces des moins 80. Donc, on stockait les échantillons là. Et le Laberca, on leur envoyait en fait l'ensemble des échantillons à la fin. Donc, on a mis à peu près 2 ans. Et après, il a fallu à peu près 6 mois pour faire les analyses statistiques. Toute la partie d'interprétation des données, ça a été fait ici aussi. Ça a été fait ici. On a beaucoup travaillé avec les cliniciens, les personnes qui font les analyses chimiques et les statisticiens pour construire cet article. Sachant qu'évidemment, dans l'étude, l'hôpital européen Georges Pompidou a été très important puisque c'était l'hôpital qui a évidemment géré les patientes. Il est donc capable de dire, a posteriori, si la tumeur va être agressive ou moins agressive. Il y a un côté prédictif. Il y a un côté prédictif. Donc on est capable de dire, alors la tumeur qui a été prélevée appartient à un groupe, on va dire, de tumeurs agressives ou non agressives qui auront une tendance à métastaser ou à ne pas métastaser. On peut faire des profils et on peut faire 2 catégories, métastatiques, non métastatiques, en ayant les informations sur les polluants. Et donc en fait, après, on croise ces 2 informations et on est capable de dire, voilà, la concentration de ce polluant dans la tumeur me semble associée à, en tout cas, une agressivité plus importante, puisque on va la trouver de manière plus importante dans le groupe métastatique, par exemple. Le résultat le plus important, c'est qu'il y a une augmentation de 4 fois du risque de développer des métastases chez les personnes qui ont les plus fortes concentrations en dioxine de Céveso, et ce, chez les patientes en surpoids. Donc ça veut dire qu'on est capable d'avoir cette identification très précise d'un polluant associé à un processus métastasique, mais chez une catégorie bien précise, une sous-catégorie bien précise de la catégorie femmes qui sont atteintes d'un cancer du sein. Oui. Qu'est-ce qu'on connaît vraiment des causes, le lien vraiment entre la concentration de ces POP qui sont encapsulées dans les cellules graisseuses et le fait qu'il y ait des signaux envoyés pour favoriser la migration des métastases finalement? Alors, quand on dit association, études épidémiologiques ou expologiques d'exposition, clairement, on n'est pas capable de faire ce qu'on appelle un lien causal. C'est-à-dire, on ne peut pas dire c'est la dioxine qui provoque ce phénomène. En fait, si on a réalisé cette étude, c'est parce qu'on avait des résultats préliminaires in vitro qui sont publiés, qui montrent que lorsqu'on expose à la dioxine de Céveso des cellules de tumeur du sein ou de cellules de tumeur du foie, celles-ci changent de morphologie. Elles ont une morphologie différente, elles ont des propriétés de migration qui sont stimulées, elles migrent plus facilement. Ces molécules assurent ce qu'on appelle une transition au niveau cellulaire qui font que la cellule devient plus capable de migrer. Et donc les effets qu'on constate actuellement chez l'homme, enfin cette association, nous on l'associe à nos travaux qui montraient des liens entre l'exposition à cette dioxine et l'acquisition de processus cellulaires pro-migratoire, pro-invasif, qui évoque ceux de la cellule métastatique. Voilà le reportage du jour signé Céline Lezen. Une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Fatima Mechta-Grigoriou? C'est sûr que les polluants sont des systèmes qui favorisent les modifications intrinsèques des cellules tumorales, qui réduisent également l'activité du système immunitaire et donc qui participent directement au développement tumoral et à la propagation métastatique. Malheureusement, oui, je pense qu'il faut être absolument clair. Et les résultats sont extrêmement probants à cet égard. Oui. Jean-Yves Pierguin? Oui, mais comme ça a bien été expliqué aussi dans la discussion, il faut voir qu'il y a l'interaction entre ces polluants et le tissu graisseux. Mmh. Et un des facteurs de risque importants justement de développement d'un cancer du sein, voire même qui va être important aussi pour son pronostic et les risques de récidive ultérieure, ça ça va être justement le surpoids, la masse graisseuse, qui a aussi un rôle à jouer manifestement dans le développement de ces cancers du sein. Donc on ne sait pas si c'est pas lié aussi à certains facteurs hormonaux justement et de fabrication des hormones féminines qui peuvent jouer aussi sur le développement du cancer du sein. Donc c'est effectivement une voie tout à fait intéressante à explorer, mais il y a aussi beaucoup d'autres processus qui sont impliqués à la fois dans le développement du cancer et dans ce processus de migration. J'aimerais qu'on parle dans les 10 dernières minutes qu'il nous reste des ouvertures ou de la thérapeutique qui peut permettre non seulement de lutter contre les métastases, mais peut-être pour commencer, ce qu'on sait aujourd'hui, est-ce qu'il y a des études qui permettent de ralentir, voire d'interrompre le passage d'une tumeur in situ à une tumeur métastatique, à interrompre cette transformation là, Fatima Mechta-Grigoriou? Alors, les processus maintenant moléculaires sont très bien connus et on sait qu'il peut y avoir des mutations additives qui peuvent être acquises par les cellules tumorales qui leur confèrent des capacités migratoires accrues. Alors, par exemple, il y a des gènes qui sont impliqués dans ce qu'on appelle la transition épithélio-mésenchymateuse qui sont en fait des gènes qui sont directement impliqués dans la modification de la cellule tumorale qui va vraiment devenir beaucoup plus capable de migrer. Et il existe en fait des traitements qui peuvent permettre en fait de cibler aussi ces voies de signalisation. Il y a également par exemple des mutations qui peuvent être malheureusement acquises au cours des traitements et qui peuvent être également ciblés. Là, je pense par exemple à une étude clinique réalisée à l'Institut Curie qui s'appelle PADAWAN, où en fait, lors du traitement, il peut y avoir des mutations dans les cancers du sein qui sont hormonaux sensibles, des mutations dans le récepteur des œstrogènes qui apparaît dans 30% des cas. Et ça, évidemment, ça génère une résistance au traitement anti-hormonal qui génère évidemment une augmentation de la probabilité de développement métastatique. Et il y a des analyses qui sont réalisées à l'Institut Curie par François-Clément Bidard notamment, qui réalise des analyses sur des biopsies liquides qui mesurent directement, comme le disait Jean-Yves tout à l'heure, la présence de ces mutations dans le sang des patientes de façon à mieux pouvoir les traiter de façon immédiate avec des anti-aromatases par exemple dès qu'elles présentent ces mutations. Donc oui, il y a vraiment des développements à l'heure actuelle qui visent à mieux lutter contre ces métastatique. On sait les repérer aujourd'hui systématiquement, on sait à travers différents examens, que ce soit en imagerie ou en prélèvement, le fait qu'il y ait des cellules, des CTC, des cellules tumorales cancéreuses ou dans le sang ou à l'imagerie. On sait le faire à chaque fois, Jean-Yves Pierga, ou pas? Alors, à l'imagerie, on arrive un peu aux limites justement des techniques d'imagerie, même si elles peuvent être très précises, puisque là, on parle de l'échelon vraiment cellulaire. Donc, ce qu'on arrive à faire surtout, c'est à des détections, alors par exemple, soit dans le sang, ou ça peut même être dans la moelle osseuse, dans la moelle hématopoïétique, où on peut aller détecter ces cellules. Mais c'est surtout dans le sang où c'est le plus accessible et le moins pénible pour les patients d'aller faire une simple prise de sang pour aller détecter des cellules qui circulent. Il y a différents types de techniques qui peuvent être d'aller les détecter avec des anticorps qui vont rechercher quelque chose qui est à la surface de ces cellules et qui va être spécifique des cellules, ce qu'on appelle épithéliales, qui sont pas censées se trouver dans le sang. Donc, a priori, c'est plutôt des cellules tumorales qui sont en train de circuler. Ou il y a des processus physiques, ça peut être des systèmes simplement de filtres, c'est-à-dire qu'on va les capter parce qu'elles vont être, ces cellules cancéreuses qui sont dans le sang vont être plus grosses que les cellules sanguines normales. Ça peut être aussi une façon de les attraper. Et puis après, il va falloir les observer, les caractériser et dire effectivement que ça ressemble à des cellules cancéreuses. Et puis il y a une autre approche de ce qu'on appelle la biopsie liquide qui va être d'aller détecter des fragments d'ADN donc qui étaient à l'intérieur des cellules cancéreuses et qui a été libéré dans le sang, plus exactement dans le plasma, donc dans la partie vraiment liquide du sang. Et dans lequel on va pouvoir aller rechercher ces fragments. Et comme le disait Fatima juste avant, c'était de montrer qu'on peut les détecter, par exemple, avec la mise en évidence d'une mutation particulière spécifique de ce cancer ou spécifique de, du mécanisme de résistance au traitement qui a été qui est apparu. Et donc, avec des techniques de biologie moléculaire, de ce qu'on appelle de PCR ou de séquençage même du génome, on peut être capable de détecter ces fragments d'ADN qui viennent des cellules cancéreuses et qu'on va trouver donc circulant dans le sang. Quelles sont aujourd'hui les techniques qui donnent le plus de résultats pour lutter justement contre ces cancers métastatiques avant peut-être le cancer secondaire? Parce que l'idée c'est que c'est d'éviter justement que ces métastases réussissent à s'implanter et à déclencher les cancers secondaires qui sont beaucoup plus difficiles à traiter que les cancers primaires, Fatima Mechta-Grigoriou. Alors, la médecine, en fait, à l'heure actuelle, tente de définir les mutations spécifiques de chacune des tumeurs de façon à véritablement adapter le traitement spécifique de certaines mutations. Donc, il y a vraiment maintenant une adaptation, évidemment, du tissu dans lequel se développe la tumeur primaire, mais également des clones qui peuvent exister au sein de ces tumeurs qui peuvent, peuvent générer, en fait, des qui pourraient être des cibles thérapeutiques. Après, l'une des thérapies qui a révolutionné récemment les cancers de type mélanome, poumon et vessie, ce sont vraiment les immunothérapies qui visent à réveiller le système immunitaire de façon à aller tuer les cellules tumorales par l'hôte lui-même. Et ça, on est véritablement à l'heure actuelle dans des thérapies qui combinent en première ligne à la fois la chimiothérapie et l'immunothérapie de façon à améliorer l'efficacité de la chimiothérapie. Alors on sait également, et ça c'est pour le futur, on sait également que malheureusement, certains patients développent ne répondent pas aussi bien que l'on souhaiterait à ces immunothérapies. Et on sait maintenant, nous, qu'il y a effectivement donc certaines cellules dont on parlait tout à l'heure, qui sont les fibroblastes, qui empêchent l'action de ces immunothérapies et qui empêchent donc le système immunitaire de se réveiller même en présence de ces immunothérapies. Donc le but sera maintenant de non seulement cibler les cellules tumorales par la chimiothérapie, non seulement le fait de vouloir redynamiser le système immunitaire par l'immunothérapie, mais également de cibler ces fameux fibroblastes pour éliminer leur action. Jean-Yves Pierga, en un mot pour conclure. Alors, en fait, ce qui était dit dans l'introduction, c'est-à-dire que lorsqu'on a des métastases, le processus de guérison est beaucoup plus difficile à obtenir que lorsqu'on a une tumeur limitée. C'est aussi lié au fait que plus il y a de cellules présentes, donc plus la masse du cancer est importante, plus il y a de risques, effectivement, dans l'eau, il y a des cellules qui aient appris à résister. Donc c'est pour ça que c'est important, effectivement, à un stade précoce, de pouvoir à la fois retirer la tumeur initiale, mais surtout d'éliminer les éventuelles cellules qui ont déjà pu se disséminer, ces éventuelles cellules circulantes et qui ont pu aller se mettre à l'état quiescent éventuellement dans d'autres organes, avec ces thérapies efficaces que sont encore de la chimiothérapie, de l'hormonothérapie et effectivement l'immunothérapie, qui est un apport récent et majeur, mais qui ne fonctionne pas dans tous les types de cancer, malheureusement. Et donc, on reste encore avec des méthodes relativement classiques pour pouvoir éradiquer de façon définitive ces éventuelles cellules qui ont disséminé. Et c'est ça qui rend très complexe de pouvoir envisager une guérison à un stade avancé de la maladie, c'est qu'il y a effectivement la mise en place de beaucoup de ces mécanismes de résistance, d'échappement à nos thérapeutiques. Je suis obligé de vous interrompre parce qu'on arrive vraiment à la toute fin de l'émission. Merci beaucoup en tout cas. Merci à tous les deux. Merci Jean-Yves Pierga, merci Fatima Mechta-Grigoriou. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie évidemment au fil Twitter de l'émission sur lequel on a posté comme chaque jour tout un certain nombre de liens qui viendront compléter certainement pour terminer ce que vient de dire Jean-Yves Pierga sur ces phases un peu avancées de la maladie. Merci en tout cas beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous au long de cette heure. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Céline Lozen, Olivier Bétard à la réalisation et Alex Dang à la technique. Tout au long de la semaine, et bien demain, nous vous parlerons de rayons cosmiques. Mercredi, un thème qui peut arrêter Elon Musk, puisque maintenant qu'il est capable d'envoyer non seulement des satellites, mais aussi des capsules habitées dans l'espace, y a-t-il une fin à cette conquête? Jeudi, nous reviendrons sur l'affaire de Lancet et nous demanderons si les revues à comité de lecture connaissent ou non une crise. Vendredi, nouvelle écoute de l'émission que nous avions consacrée à Ursula Le Guin. Et puis, allez, une petite confession à propos de la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison. Nous sommes sommes en train de mettre les petits plats dans les grands pour vous concocter l'émission de fin de saison classique de la SF plein la valise. D'ici là, on se retrouve demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.